les nouveaux joueurs qu'on va amener, si encore une fois, je suis encore avec l'organisation. Même si je suis pas là, je pense qu'on en a parlé pendant la saison. On s'est trouvé souvent, là, je sais pas si on a eu le même alignement deux ou trois matchs consécutifs là, pendant la saison. Non. Donc, c'est quelque chose qui va falloir vraiment regarder puis porter attention à essayer d'aller chercher justement des joueurs qui vont être présents, qui vont être disponibles en tout temps. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va être important. Moi, je pense qu'encore une fois, défensivement, il faut s'améliorer de ce côté-là. Je pense qu'au centre, écoute, Jean-Simon là a fait un travail incroyable. Mais Jean-Simon n'est pas un centre naturel. Je pense que tu regardes les bonnes équipes, peu importe dans quelle ligue, la ligne de centre, souvent, est toujours solide. Donc, encore une fois, je pense que de ce côté-là, il va falloir travailler à aller chercher. Et l'Étoile du Lac nous apprend qu'il y aura une première édition de la Classique 49 qui va se tenir à Saint-Prime du 28 au 30 juin prochain. Donc, c'est un tournoi deck hockey qui va avoir lieu là-bas. Ça s'appelle la Classique 49 qui s'est associée à la série Côte deck hockey. C'est le quatrième circuit en importance au Québec de deck hockey. En plus de deck hockey, il y aura une volée spectacle avec, entre autres, hommage à AC/DC, Bon Jovi et ainsi de suite. Les passeports sont en vente sur le site internet du deck hockey de Saint-Prime dès le 1er juin prochain. J'invite à écouter la section entrevue de DonRadioSport.com. Hier, on a parlé avec d'abord l'instructeur adjoint des Crunch de Syracuse, Gilles Bouchard. On vous a passé l'entrevue que Michel Tifo a réalisée avec Benoît Graton. Et Charles Dubé-Bray des Raptors 905 vient nous parler du match historique de dimanche soir entre les Raptors et les 76ers de Philadelphie. Sport local et régional à DonRadioSport.com. On s'en occupe.